Ceci est une lecture de Christiane Jehan pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. 10 années d'exil par Madame Germaine de Staël. Avertissement de Monsieur de Staël, fils. Il y a ici dans le manuscrit une lacune dont j'ai donné l'explication et à laquelle je ne saurais essayer de suppléer. Mais, pour mettre le lecteur en état de suivre le récit de ma mère, j'indiquerai rapidement les principales circonstances de sa vie qui séparent la première partie de ses mémoires de la seconde. Revenu en Suisse après la mort de M. Necker, le premier besoin qu'éprouva sa fille fut de chercher quelque adoucissement à sa douleur, en faisant le portrait de celui qu'elle venait de perdre, et en recueillant les dernières traces de sa pensée. Dans l'automne 1804, elle publia les manuscrits de son père avec une notice sur son caractère et sa vie privée. La santé de ma mère, affaiblie par le malheur, exigeait qu'elle allât respirer l'air du midi. Elle partit pour l'Italie. Le beau ciel de Naples, les souvenirs de l'Antiquité, les chefs-d'œuvre de l'art, lui offrirent des sources de jouissance qui lui étaient restées inconnues jusqu'alors. Son âme, accablée par la tristesse, sembla revivre à ses impressions nouvelles. Elle retrouva la force de penser et d'écrire. Pendant ce voyage, ma mère fut traitée par les agents diplomatiques de France sans faveur mais sans injustice. On lui interdisait le séjour de Paris. On l'éloignait de ses amis et de ses habitudes. Mais, du moins alors, la tyrannie ne la poursuivait pas au-delà des Alpes. La persécution n'avait pas encore été mise en système comme elle le fut plus tard. Je me plais même à rappeler que des lettres de recommandation envoyées par Joseph Bonaparte à ma mère contribuèrent à lui rendre le séjour de Rome plus agréable. Elle revint d'Italie dans l'été de 1805 et passa une année soit à Coppet, soit à Genève, où plusieurs de ses amis se trouvaient réunis. Pendant ce temps, elle commença à écrire Corinne. L'année suivante, son amour pour la France, ce sentiment si puissant sur son cœur, lui fit quitter Genève et se rapprocher de Paris, à la distance de 40 lieues qui lui étaient permises. Je faisais alors des études pour entrer à l'école polytechnique. Et, dans sa parfaite bonté pour ses enfants, elle désirait surveiller leur éducation d'aussi près que le lui permettait son exil. Elle alla donc s'établir à Auxerre, petite ville où elle ne connaissait personne, mais dont le préfet, M. de la Bergerie, se conduisit envers elle avec beaucoup d'obligeance et de délicatesse. D'Auxerre, elle vint à Rouen. C'était se rapprocher de quelque lieu, du centre où l'attiraient tous les souvenirs, toutes les affections de son enfance. Là, du moins, elle pouvait recevoir tous les jours des lettres de Paris. Elle avait pénétré sans obstacle dans l'enceinte qui lui avait été interdite. Elle pouvait espérer que ce cercle fatal se rétrécirait progressivement. Ceux qui ont souffert de l'exil comprendront seuls ce qui se passait dans son cœur. Monsieur de Savoie-Rollin était alors préfet de la Seine-Inférieure. L'on sait par quelle criante injustice il fut destitué quelques années plus tard, et j'ai lieu de croire que son amitié pour ma mère et l'intérêt qu'il lui témoigna pendant son séjour à Rouen ne furent pas étrangers à la rigueur dont il devint l'objet. Fouché était ministre de la police. Il avait pour système, ainsi que le dit ma mère, de faire le moins de mal possible, la nécessité du but admise. La monarchie prussienne venait de succomber. Aucun ennemi sur le continent ne luttait plus contre le gouvernement de Napoléon. Aucune résistance à l'intérieur n'entravait sa marche et ne pouvait donner prétexte à des mesures arbitraires. Quel motif y avait-il de prolonger contre ma mère la persécution la plus gratuite? Fouché lui permit donc de venir s'établir à 12 lieues de Paris, dans une terre appartenant à M. de Castellane. Ce fut là qu'elle termina Corinne et qu'elle en surveilla l'impression. Du reste, la vie retirée qu'elle menait dans cette terre, l'extrême prudence de toutes ses démarches, le très petit nombre de ceux que la crainte de la défaveur ne détournait pas d'aller la voir, devait suffire pour rassurer le despotisme le plus ombrageux. Mais, Ce n'était pas assez pour Bonaparte. Il voulait que ma mère renonçât à tout exercice de son talent, et qu'elle s'interdît d'écrire, fût-ce sur les sujets les plus étrangers à la politique. On verra même que plus tard, cette abnégation ne suffit pas pour la préserver d'une persécution toujours croissante. À peine Corinne eut-elle paru qu'un nouvel exil commença pour ma mère et qu'elle vit s'évanouir toutes les espérances qui, depuis quelques mois, l'avaient consolée. Par une fatalité qui rendit sa douleur plus amère, ce fut le 9 avril, le jour même de l'anniversaire de la mort de son père, que lui fut signifié l'ordre qui l'éloignait de sa patrie et de ses amis. Elle revint à Copé, le cœur navré, et l'immense succès de Corinne n'apporta que bien peu de distraction à sa tristesse. Cependant, ce que n'avait pu la gloire littéraire, l'amitié y réussit, et, grâce au témoignage d'affection qu'elle reçut à son retour en Suisse, l'été se passa plus doucement qu'elle n'avait pu l'espérer. Quelques-uns de ses amis quittèrent Paris pour venir la voir, et le prince Auguste de Prusse, à qui la paix avait rendu la liberté, nous fit l'honneur de s'arrêter quelques mois à Copé avant de retourner dans sa patrie. Depuis son voyage à Berlin, si cruellement interrompu par la mort de son père, ma mère n'avait pas cessé d'étudier la littérature et la philosophie allemande. Mais un nouveau séjour en Allemagne lui était nécessaire pour achever le tableau de ce pays qu'elle se proposait de présenter à la France. Dans l'automne de 1807, elle partit pour Vienne et elle y retrouva, dans la société du prince de Ligne, dans celle de la maréchale Lubomirska, etc., cette urbanité de manières, cette facilité de conversation qui avait tant de charme à ses yeux. Le gouvernement autrichien, épuisé par la guerre, n'avait pas alors la force d'être oppresseur pour son propre compte. Et cependant, il conservait envers la France une attitude qui n'était pas sans indépendance et sans dignité. Ceux que poursuivait la haine de Napoléon pouvaient encore trouver à Vienne un asile. Aussi, l'année que ma mère y passa fut-elle la plus calme dont elle eût joui depuis son exil. En revenant en Suisse, où elle consacra 2 années à écrire ses réflexions sur l'Allemagne, elle ne tarda pas à s'apercevoir des progrès que faisait chaque jour la tyrannie impériale, et de la rapidité contagieuse avec laquelle s'étendait la passion des places et la crainte de la défaveur. Sans doute quelques amis, à Genève et en France, lui conservaient dans le malheur une courageuse et constante fidélité. Mais quiconque tenait au gouvernement ou aspirait à un emploi, commençait à s'éloigner de sa maison et à détourner les gens timides d'y venir. Ma mère souffrait de tous ces symptômes de servitude qu'elle discernait avec une incomparable sagacité. Mais plus elle était malheureuse, plus elle éprouvait le besoin d'écarter de ce qui l'entourait les peines de sa situation et de répandre autour d'elle la vie, le mouvement intellectuel que semblait exclure la solitude. Son talent pour la déclamation était le moyen de distraction qui avait le plus de puissance sur elle-même, en même temps qu'il variait les plaisirs de sa société. Ce fut à cette époque que, tout en travaillant à son grand ouvrage sur l'Allemagne, elle composa et joua sur le théâtre de Copé la plupart des pièces que je réunis dans ses œuvres posthumes sous le titre d'essais dramatiques. Enfin, au commencement de l'été de 1810, ayant achevé les 3 volumes de l'Allemagne, elle voulut en surveiller l'impression à 40 lieues de Paris, distance qui lui était encore permise et où elle pouvait espérer de revoir ceux de ses amis dont l'affection n'avait pas fléchi devant la disgrâce de l'empereur. Elle alla donc s'établir près de Blois, dans le vieux château de Chaumont-sur-Loire, que le cardinal d'Amboise, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis et Nostradamus ont jadis habité. Le propriétaire actuel de ce séjour romantique, M. Le Ray, avec qui mes parents étaient liés par des relations d'affaires et d'amitié, était alors en Amérique. Mais, tandis que nous occupions son château, il revint des États-Unis avec sa famille, et, quoiqu'il voulût bien nous engager à rester chez lui, plus il nous empressait avec politesse, plus nous étions tourmentés de la crainte de le gêner. Monsieur de Salaberry nous tira de cet embarras avec la plus aimable obligeance en mettant à notre disposition sa terre de fossé. Ici recommence le récit de ma mère.